gens autour de moi, les points sont lourds. J'ai jamais le choix de faire les détails. C'est contre moi-même que je joue la game. Pourtant, chaque soir, c'est le même frame. Faut que je mette fin au problème, mais c'est le remède à la vie de bonhomme. Ça commence aujourd'hui, promis, j'arrête. Ça suffit, je veux pas finir comme un abruti qui a complètement perdu l'appétit. Parce que c'est la bière qui le nourrit. Son système est entièrement pourri. Tu lui donnes quelque chose dans ta bouffée, puis c'est à coup sûr qu'il te le vomit. Non, pas avec moi, c'est pas comme ça que ça va se passer. Je vais pas me laisser aller, c'est assez. L'habitude, je vais casser. Bon, faut que j'aille au boulot. Puis après, c'est pas question de couleur. Ça pouvait pas continuer comme ça. Faut la bec, j'arrête un jour ou l'autre. Ouais, j'ai réfléchi. C'est certain que je vais pas fléchir. Il paraît que quand t'arrêtes de boire le soir, c'est juste au début que ça déchire. Un autre élément pour aller chercher de la boisson. Autour de moi les poissons sont lourds. J'ai jamais le choix de faire les détours. C'est contre moi-même que je joue la game. Pourtant à chaque soir c'est le même frame. Faut que je mette fin au problème, mais c'est le remède à la vie de bonhomme. On se dit qu'on a lâché aujourd'hui. Gros, même t'as raison. Toutes les stocks qu'on a fait, c'est incroyable. Wow, la journée a été dure. À soir j'ai le goût de relaxer, c'est sûr. J'ai le goût de m'asseoir dans le sofa, mais j'ai pas le goût d'endurer ma cure. Non, faut que je reste pur, que je reste enfermé entre quatre murs. Si je sors dehors il fait trop chaud, ça me donne une raison de boire, je te jure. Dernier question, ramène-toi là au parc, on s'en va escalier une grosse roue. Non mais t'es fou, je veux dire ouais vous êtes où. Bougez pas, je m'en vais vous rejoindre, je m'envoie juste une petite puis c'est tout. Encore une fois, un autre élément pour aller chercher de la boisson. Autour de moi, les poissons sont lourds, j'ai jamais le choix de faire les détours. C'est contre moi-même que je joue la game. Pourtant, chaque soir c'est le même frame. Faut que je mette fin au problème, mais c'est le remède à la vie de bonhomme. Ça y est, je tourne des panneurs, en train de repartir à neuf. Je sais pas quoi choisir d'ailleurs. Faut quand même pas mentir à 950 millilitres. Je me sens pas coupable. Mais un point de suite, c'est tellement plus faible. Une pièce de plus, je me tape un 6 pages. Je vais mettre sur deux jours, ça va être plus durable. Les médecins disent qu'une pièce par jour, c'est bon pour la santé, je te jure. Ouais, mais disent pas quel gros sang. Je prends pas de chance, je vais avec la foi pour être sûr. Même si je suis dans le fond tantôt, il n'en restera plus. Au moins, je serai venu, je l'ai vu, puis le reste, ben, je l'aurai vu. Après tout, il y a juste quand je me lève le matin que je la ris plus. Je bois jamais jusqu'à être sous. Non, moi, c'est sa semaine entière que ça se distribue. Une fois, un autre élément pour aller chercher de la boisson. Autour de moi, les poissons sont lourds. J'ai jamais le choix de faire les détours. C'est contre moi-même que je joue la game. Pourtant, chaque soir, c'est le même frame. Faut que je mette fin au problème, mais c'est le remède à vie de bonhomme. Encore une fois, un autre élément pour aller chercher de la boisson. Autour de moi, les poissons sont lourds. J'ai jamais le choix de faire les détours. C'est contre moi-même que je joue la game. Pourtant, chaque soir, c'est le même frame. Faut que je mette fin au problème, mais c'est le remède à vie de bonhomme. Oh, fuck, on est mordu. J'suis back, et puis j'travaille demain. Salut, passe la journée, mal parti quand j'te parle demain. De son merveilleux sens, j'la répartis. Il me répond bye bye, Damien. J'm'en retourne chez nous, j'me cale une fois, et puis j'me dis que j'te bon à rien. J'suis toujours tout dans l'art, faudrait que ça arrête un bon matin. J'vais me la jouer en cueillant, puis donner un bon coup de patin. Être un homme meilleur, et ça jusqu'à ce que j'trouve la fin. Le soir où tu me verras pas avec une bière au bout de ma main. Oh fuck, on est mordu. J'suis back, et puis j'travaille demain. Salut, passe la journée, mal parti quand j'te parle demain. De son merveilleux sens, j'la répartis. Bon bye bye Damien, je retourne chez nous, je me cale une fois, puis je me dis que je te bois à rien. J'suis toujours tout dans l'air, faudrait que ça arrête un bon matin. Je vais jouer en cueillant, puis donner un bon coup de patin. Être un homme meilleur, et ça jusqu'à ce que je trouve la fin. Le soir où tu me verras pas avec une pierre au bout de ma main.